Un par un, les canards sortirent et enfilèrent un vêtement. Ils se transformèrent en un instant en de belles demoiselles et s'en allèrent. Seule la dernière demoiselle resta en arrière. Mais enfin, qui est là? Je sens une présence derrière l'arbre. Je suis désolée, mademoiselle. Quand je vous ai toutes vues dans l'eau, je n'ai pas su quoi faire. Qu'est-ce qui t'amène ici, prince Milan? Si tu connais mon nom, tu dois savoir que mon père avait fait une promesse il y a longtemps à celui qui règne sous les eaux du lac. Oui, c'est exact, c'est mon père. Je suis la princesse Jacinthia, sa plus jeune fille. Bon, je crois que c'était un prix cher à payer pour quelques gorgées d'eau, n'est-ce pas? Mais viens avec moi, je vais t'amener à mon père, d'accord? Alors la princesse Jacinthia frappa sur le sol. Le prince et la princesse se retrouvèrent dans un palais magnifique devant le monstre vert. Je vois que tu es enfin là, prince Milan. Oui, votre majesté. Je suis là pour tenir la promesse que mon père vous a faite il y a fort longtemps. Enfin! Bon, ce soir, tu peux te reposer. Mais demain, tu devras me construire un palais en or avec 100 chambres et un jardin rempli de 1000 fleurs. Si tu ne le fais pas, je te ferai couper la tête. À quoi bon attendre demain pour ça, votre majesté? Cette tâche est impossible pour moi. Je ne sais pas construire un palais, et encore moins un palais en or. Tu as toute la journée de demain. Trouve une solution. Le prince était assis dans sa chambre à réfléchir à comment faire. Une telle mission ne peut être remplie qu'à l'aide de la magie. Ou bien... Oui, c'est avec de la magie que tu peux construire le palais. Dors bien, prince. Je vais construire le palais avec la magie en un rien de temps. Fais-moi confiance. Non, princesse. Ça reviendrait à tricher. Le défi m'a été donné à moi. Alors je dois le relever de façon droite et juste. Mais... mon père a demandé à ton père de t'abandonner pour quelques gorgées d'eau. Et ça n'était pas juste du tout. Mais pendant toutes ces années, ton père ne m'a fait aucun mal. Et que ton père soit juste ou pas, je ne tricherai pas. Si tu veux vraiment m'aider, tu peux me rendre un service? Tout ce que tu voudras, mon prince. Alors le prince demanda à la princesse de lui apporter quelque chose. Et le lendemain matin, il se présenta devant le monstre plein de confiance en lui. Alors, tu as fini ce palais? Oh oui, votre majesté. Le voici. Quoi? Vous m'avez demandé de vous faire un palais en or avec 100 chambres et 1000 fleurs. Eh bien, vous pouvez compter le nombre de chambres et de fleurs ici, monseigneur. Vous n'avez jamais précisé que vous vouliez que je le construise sur terre. Donc, je l'ai fabriqué sur une toile. Voilà tout. Très intelligent de ta part, prince Milan. Je dois admettre que tu as raison. Bon, fais juste encore une chose pour moi et je te laisserai repartir chez ton père. Je ferai de mon mieux, monseigneur. Bon, voici un petit diamant. Il est dans ma main. Si tu parviens à me le prendre d'ici demain matin, tu seras libre de partir. Sinon, je te ferai couper la tête. Cette nuit-là, le prince Milan se demanda une fois de plus comment prendre le diamant des mains du monstre. Il entendit toquer à sa fenêtre. Ce soir, tu auras vraiment besoin de la magie pour remplir cette mission, tu sais. Donne-moi l'autorisation et je m'occupe de récupérer le diamant pour toi tout de suite. Non, princesse, car ça reviendrait à tricher. Merci de ton aide. Mais... ce que mon père te demande n'est pas juste du tout. Qu'il en soit ainsi, mais je ne tricherai pas. Tu peux cependant m'aider si tu veux. Tu pourrais m'apporter quelque chose? Tout ce que tu voudras, oui. Le lendemain matin, le prince se rendit à la cour du monstre, abattu et certain d'être envoyé à la mort. Regarde ici, prince Milan. J'ai toujours le diamant. Tu as échoué à ta mission. Je suis d'accord, votre majesté, et j'accepte ma défaite. D'accord. Eh bien, on va couper ta tête, alors. Et tu... Es-tu prêt, Prince Milan? Oui, Votre Majesté. Mais avant que ma tête ne tombe, puis-je faire un vœu? Reconnaissez, mon seigneur, que j'ai joué honnêtement et sans tricher. Eh bien, d'accord. Je t'accorde un vœu. Tu peux demander tout ce que tu veux, sauf ce diamant qui est dans ma main. Je souhaite que ma tête soit coupée de mon cou. Mais de là. Et non pas d'ici. Cette poupée est une réplique de moi-même. Donc cette tête et ce cou sont aussi les miens. Et vous avez seulement dit que vous me feriez couper la tête. Vous n'avez jamais dit que je devais mourir. Bon, c'est encore très intelligent de ta part, Prince Milan. Très bien. Tu as tenu ta promesse et je dois tenir la mienne. Tu peux rentrer chez toi. Dis à ton père qu'il a un bon fils, sage et intelligent, et qui n'a pas plié devant la tentation. La tentation? Papa m'avait demandé de te pousser à tricher, juste pour voir si tu te laisserais tenter. Mais tu as résisté. Tu es resté calme et tu as cru en toi. Puis tu as réussi tout en restant honnête et droit. Et pour cette raison, tu mérites de vivre et de régner sur ton royaume. Votre Majesté, puis-je désormais considérer que nous sommes tous amis? Amis? Dis à ton père qu'il n'a plus à avoir peur de moi pour quoi que ce soit et que je serai son ami de toujours. Et si vous êtes tous les deux d'accord, j'aimerais que ma fille t'épouse. Tu seras un bon mari pour elle. Excuse-moi, est-ce que j'ai dit quelque chose que tu ne voulais pas? Hein? Non, non, on veut bien se marier. Et ainsi, le prince retourna dans son royaume, les deux ennemis devinrent amis, et le prince et Jacinthia vécurent heureux pour toujours.